96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Voilà, bon dia à la planète et la familia, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable nuit. Ça caille un petit peu ce matin, 5 petits degrés au lever du jour, on va avoir du soleil toute la journée, ça c'est la bonne nouvelle, avec quelques nuages, mais le soleil sera là sur Orléans, Pithiviers, Olivet. Pour vous réchauffer un petit peu le cœur, on va profiter parce que je vous l'annonce tout de suite, hein, ce week-end et jusqu'à mardi prochain, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça va pas être terrible, des nuages et malheureusement de la pluie, et aujourd'hui jusqu'à 20 degrés, ça c'est la très bonne nouvelle. Belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel, on vous souhaite une très très bonne matinée, et j'adore la démarrer comme ça avec les Black Eyed Peas, vous l'adorez, avec Shakira, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Bandit à la planète et la familia. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Ele e você. Na Ilha do Sol. Na Ilha. Aujourd'hui, bah oui, José qui nous dit déjà dans le camion ce matin, bah ouais, c'est comme ça mon ami. Elles sont latinas pour bien vous sortir de vie à la bicyclette. Cuando ella camina, zumba. Súbete a la bicicleta pa' ver cómo suda. Sana. A mi lenteja que pone la mano. Y no me pongas arroz con pollo, que yo el deporte y el agua en la cama. Arriba, abajo, haciendo flexión. Número uno pa' que te enamores. Me pongo fuerte levantando cocos. Agüita pa' ti pa' ganar tu sofoco. No tenga grasa nada, playa y sol que le gusta, vida sana nada más. Y es que le encanta que la mire a la cintura, cuando ella camina, cuando ella camina, cuando ella camina, cuando ella camina, cuando ella camina, cuando ella camina. Zumba, súbete a la bicicleta pa' ver cómo suda. En direct, Frankie dans la radio, bah ça fait du bien. Et puis cette version que j'adore, 996 Luftballon de Nena. Écoutez, c'est énorme. No, no, no. Marine de lancer sur Plalon, l'artiste de Nena, on adore sur Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une très très bonne matinée sous le soleil qui va arriver tout à l'heure avec le meilleur de la musique. Il nous a quitté un 24 décembre. Un petit clin d'œil à George Michael ce matin. Fast Love. Gal Gallop, vous adorez, moi aussi, George Michael. C'est vrai qu'il nous manque quand même un super chanteur, bon pote à Elton John. Le meilleur de la musique, bah justement, il arrive Elton John avec cette reprise qu'on adore. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, 7h22, minute. météo. J'adore, je dis ça comme si j'en dénulais ce matin. La météo pour aujourd'hui, eh bien, le ciel est assez nuageux au soleil tout à l'heure. Pour moi, vous dire qu'il va arriver. Le soleil sera bien présent sur toute la journée, aux alentours de 11h, midi, il devrait faire son apparition avec quelques nuages. Les températures sont plutôt pas mal ce matin. On va dire, ça caille un petit peu, c'est vrai, hein, 5 à 6 degrés, mais ça va s'améliorer tout au long de la journée jusqu'à 20 degrés. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est que ce week-end, ça va pas faire vraiment terrible, terrible. Hein. Ouais, je vous le dis tout de suite. Florent Pagny qui arrive avec Si tu veux m'essayer sur un arc-en-ciel. Belle journée, bon courage à vous. Si vous allez du côté de Orléans, Pithiviers, si vous allez bosser, on est là pour vous souhaiter une très très bonne matinée. Voici Florent Pagny, Si tu veux m'essayer. Même une semaine, si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête est nouvelle, mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines, je me ferai tant. Pour te garder, pour te défendre, s'il le faut, je me ferai sorcier. Si tu veux m'essayer, sans jurer toujours, juste pour écouter, sans parler d'amour. Avec Florent Pagny, Si tu veux m'essayer, Radio Arc-en-Ciel, welcome la famille. Bonne à la planète, si vous venez d'arriver du côté de Saint-Privé, Saint-Jean-de-Bray, eh bien, on vous souhaite une très très bonne matinée. Le réveil pas facile ce matin d'aller au taf, hein, c'est ce que dit José, dans le camion, là, depuis 5h du mat. Courage, mon ami Marie qui est là aussi connectée. On vous souhaite une très très bonne matinée. Notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est Camille. Ah bah oui, Voice Kid, vous avez suivi, forcément. En plus, il a été sélectionné par Kenji. Ah, il est sorti, malheureusement, mais bon, il est là, il continue, il a la motivation, il a la rage, il va nous en parler tout à l'heure. Il sera notre invité avec son papa, Camille, dans les cieux de Radio Arc-en-Ciel. Ce sera 8h30 et 8h15. Thank you. 7h33 minutes. Salut Elodie, salut Pascal, connecté déjà, direction le taf. Hein. Au petit déj, dans un magasin que je pourrais pas citer, mais ils sont au petit déj, c'est sûr, avant d'aller bosser les deux collègues là. Heureux d'être avec vous, Francky dans la radio, et puis Kenji qui arrive, vous l'adorez. Jamais un genou. Non, jamais. Franchement, Joël, Olivier, ils sont là aussi, je voulais saluer. Salut la famille, 7h34 minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. J'étais parmi les loups, et j'ai pensé à elle. Les victoires, les défaites, ah si seulement tu savais. J'ai traîné un peu de partout, mes semelles pleines de boue. Ils étaient sans état d'âme, j'aurais pu mourir au milieu des. Mais ne refuserai pas un château, un homme. Je suis qu'un homme. Ils voulaient que j'abandonne, mais ils sont fous. Ma mère a fait de moi un homme. Votre réveil matin, c'est... Ah oui, je vous réveille tous les matins, 7h-9h, on est là, installé dans les studios. On vous souhaite une très très bonne journée au café, peut-être vous, au chocolat. Thé aussi, c'est ce que nous dit Marie-Hélène, moi, le matin, c'est le thé à fond, thé vert en plus, ça c'est le meilleur. Pour la ligne, c'est super bien. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas à nous appeler. Bah ouais, si vous voulez passer une petite dédicace, un message, un anniversaire, et bien appelez-moi. 02 38 43 48 00, du son qui arrive, et vous l'adorez sur Radio Arc-en-Ciel. Un chanteur de zouk qui a marqué les années 2000, Sly avec Flemme, belle journée, bon réveil et bon petit déj sur la radio couleur. Un poison que je consomme avec des rires. café du matin avec bonne humeur. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love. Dans la voiture, juste avant d'aller au boulot, pourquoi pas. On est heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Camille, il sera notre invité. Il a fait The Voice Kids, et ouais, en exclusivité, il est de Saran, et ben avec papa, bah ouais, ça va me faire plaisir de les revoir, Momo et Camille, depuis quelques années quand même déjà. Ça passe super vite, le son Latina pour bien vous réveiller. Et Luis Fonsi, belle journée, sous le soleil tout à l'heure, je vous le promets, jusqu'à 20 degrés aujourd'hui. Profitez parce que le mauvais temps arrive ce week-end. C'est Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h. Olvido. Dolce, Dolce Cabana, 7h44 minutes. El mejor de la musique, Bandia, la planète et la famille. Coucou à Eduarda qui est connecté. Salut Maria aussi. Du côté de la chapelle Saint-Mémant, on nous écoute sur le 96.2 FM et le meilleur de la musique, je vous le disais tous les matins. Les Golds qui sont au rendez-vous et un groupe qui a marqué les années 2000, on va dire. Organize avec un titre que j'affectionne. I never know your love like this before. Oui, j'étais fort en anglais. Hein. Le meilleur des souvenirs, hein, c'est le matin sur la conciel. Belle journée et bon réveil. C'est Francky dans la radio, là vous êtes chevaux au vent, dans la voiture peut-être, dans sa caille ce matin à 5 degrés. Faites gaffe, hein, le meilleur des souvenirs avec Organize Never Love Like Tears Before. Belle journée, sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel, la brésilienne qui cartonne, et on aime bien ce titre-là avec Dadju, c'est Tuer mon soleil. Bon courage pour ceux qui vont au taf aujourd'hui, ouais, pas facile, mais il faut y aller. Voici le soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Les eaux, mon soleil. On va goûter la vie en entrée plat désert. Les eaux, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Trop petit. Les hommes superficiels pour toi, c'est trop petit. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. T'as fini de donner l'heure à n'importe qui. N'importe qui. Au débit. La connexion, c'est forcément du au débit. Tu gères les bails, tu veux le respect d'une boss lady. J'ai comment pimenter le reste de ta vie.

C'était la meilleure avec Colin de Gang, Joanna, c'est la bande originale d'un film, lequel justement, bah appelez-moi 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. Il sera notre invité à 8h15, 8h30, c'est Camille The Voice Kids, et ouais, dans les studios. Kenji l'a sélectionné, le battle c'était bien samedi. Bon, il a perdu, mais bon, c'est pas grave, il est motivé, il a la pêche, il a la rage, et je pense qu'il va aller très très loin, ce petit gamin. Il sera avec nous tout à l'heure dans les studios pour nous en parler, justement, ramener la coupe à la maison, forcément, ça va vous rappeler des bons souvenirs. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. C'est bon ça, dans des jets de rime, ramenez la coupe à la baraque, à la maison, vote avec vous, c'est Francky dans la radio. Camille, qui sera dans le studio dans moins de 20 minutes en direct, il va nous parler justement de Voice Kid. Alors, cette aventure, elle était comment? Ça s'est bien passé? Et bien justement, il va nous en parler tout à l'heure à 8h15. Et puis, c'était samedi soir, le battle. Écoutez un petit extrait. Ça pique les yeux, s'envoie des centaines de lucioles, tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup. Super gamin, super voix. Je pense qu'il va, aller loin. Je pense qu'il va aller loin. Il va nous en parler tout à l'heure. Et la rencontre avec Kenji, c'était comment? Dans le Sora, en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Il sera notre invité dans quelques minutes. Le petit Camille, là. Et ouais, pas facile de se lever le matin. Mais il faut y aller, il faut y aller. Parlez à mon père, ça arrive. C'est Tiad. Tiad, que vous savez, un habitué de la radio. Il a repris Céline Dion et vous adorez. Voici Tiad, l'Orléanais. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant. Une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant. Une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place. Et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. On adore, on l'adore sur Radio Arc-en-Ciel. Parler à mon père, cette belle reprise de Céline Dion. Ah ouais, non, la calibo. 8h15, il sera notre invité Camille dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Ça me fait plaisir de le recevoir. Bandi à la planète, 8h05, on est en direct comme tous les jours. Bah, on est là, au petit-déj, au café peut-être, vous de l'autre côté de la radio. En voiture aussi, au Zoom. Bandi à la planète. Sentimiento, metió palabras que se fueron con el viento. Ahora ella le dice lo lamento.

Ich liebe dich, je vais t'aimer. Ouais, en allemand ça veut dire ça, ich liebe dich, hein. Je vais t'aimer. On vous aime ce matin, 8h12, Darina Victory, et vous l'adorez sur Radio Arc-en-Ciel. 8h15, 8h30, il sera dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. C'est le petit Camille, The Voice Kid, c'était samedi. Bon, il est sorti, mais bon, quelle motivation, il a toujours la pêche, et je peux vous dire, il va vous en parler dans quelques minutes, il sera notre invité. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. La version Zouk de Amir. Alors, je l'ai pécho sur internet, ouais, je vous le cache pas. Et ce petit DJ, il est pas mal. Voici Amir, longtemps, version Zouk, et je peux vous dire, c'est la petite préférée de la radio en ce moment. Est terrible, franchement. 8h15 minutes de version Zouk par ce DJ parisien qu'on adore aussi, avec Amir, la reprise Juliette, vous l'adorez aussi sur l'arc-en-ciel. Coucou à Stéphane qui est connecté, coucou à Mathieu aussi. Bah Mathieu, justement, aujourd'hui c'est la Saint-Mathieu, une bonne fête à tous les Mathieu. La fin du disco, mais non, le disco est toujours là. Voici Juliette Armanet et puis Camille qui sera notre invité dans quelques minutes sur Radio Arc-en-Ciel en direct. Thank you. fin. Non, c'est pas la fin, c'est le début. Heureux d'être avec vous. Salut Isa qui est connecté du côté d'Orléans. Belle journée, bah, Isa, 96 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut tous les matins avec la patate, la pêche. Ouais, le café ce matin peut-être pour vous. Au bureau qui venait d'arriver, comme Nono qui vient d'arriver au bureau. Salut Francky, merci pour Juliette, ça fait plaisir de l'écouter. Bah oui, on est là mon ami. La radio qui fait du bruit. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Ah ouais, on réveille tous les matins, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Dans quelques minutes, Camille sera notre invité en direct sur Radio Arc-en-Ciel. The Voice Kid, oui, dans les studios de la radio, ça va faire plaisir, le petit gamin. Ah, il a été éliminé, mais bon, c'est pas grave, il continue, il a la force, il a la mentale, il a tout ce qu'il faut. Comme Rocky, l'œil du tigre, mec. Eh ouais, il sera notre invité tout à l'heure dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de le retrouver. Du son, carré. Avec lui là, on l'a bien celui-là, Charles V, hein, la prise de Matt Wilson. Et c'est positif. Les mots belles gouvernées, tu dois faire les bons choix. Le Saint-Père fera le reste. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de Lamborghini. Y'a ceux qui ont besoin de salami pour pouvoir exister. Et quant à toi, ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again, again, again, again, again. Faut pas oublier. Como quiera, mami, de 10,000 maneras que tú sabes que soy yo que te domina y te voy a dar pom pom. Te gusta el reggaetón, pom, tú sabes quién soy yo, el que te pone loco. Y dice: muévelo, muévelo a la América Latina, muévelo, muévelo de Colombia a Argentina, muévelo, muévelo los dominicanos arriba, muévelo, muévelo una bulla a la latina. Ce matin, 8h22 minutes en direct, Camille dans les studios, il est comme un ouf, et lui aussi il est comme des fous ce matin, mais ça me fait plaisir de le recevoir ce matin en direct sur Radio Arc-en-Ciel. On espère vous passer une agréable matinée. Vous êtes nombreux sur Orléans et toute la planète à nous écouter. Le petit Camille, ça va Camille? Ça va très bien, et vous? Eh oh, ben on peut se tutoyer mon ami, attends. Okay. Dis donc, il y a papa qui est là, qui filme, qui fait des vidéos, papa qui est un ami. Et franchement, ça me fait plaisir de te retrouver. On va se prendre le petit café pour toi, le petit chocolat. Mais juste avant, en pleine forme, avant les cours, parce que là t'as le cours après, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Ah, parce que là, on fait radio. Court, direct. Ça, c'est la vie d'artiste. Ouais, hein, c'est ça. Le petit extrait que j'ai derrière, c'était samedi, ça. Hein, exactement, oui. C'est ça. C'est Mais je t'aime de Camille Lelouch et Grand Corps Malade. T'as une belle voix en tous les cas, la radio, ça passe super bien. On va te retrouver dans quelques minutes si tu veux, mon petit Camille, ça te dérange pas? Okay, nous, on va se boire le café avec papa, toi, on va essayer de te trouver un petit lait chaud, hein. Allez. Allez, et puis, on va parler de cette belle aventure, on aura 15 minutes pour en parler juste avant que tu partes en cours, okay. Okay. Ça, je sais pas si tu connais, c'est Firefrock, c'est un DJ allemand, il s'appelle Purple Disco Machine, ça cartonne dans les clubs en ce moment. Okay. On s'écoute et puis après on se retrouve, mon petit Camille, c'est bien. Ok, pas de soucis. À tout de suite, Camille. À tout de suite. dans la radio. Et puis je vous l'ai promis, Camille qui arrive dans moins de 5 minutes en direct à la radio. 8h28, la météo aujourd'hui, bah ça caille un petit peu, mais le soleil devrait faire son apparition. Camille, dans 5 minutes. Un amor ilógico. Ven, ven, ven, esta película la he visto. Ven. Baila me Peligrosa, l'artiste bébé, 8h29. Ça y est, on est comme des fous dans les studios, on est au café. On est énervé là ce matin parce qu'il est là. Le petit Camille est, franchement, il a la patate, hein, The Winner. C'est le t-shirt qu'il a mis ce matin, il l'a choisi. Bah, normal, c'est un winner le mec. Et il va nous en dire plus dans quelques minutes. J'espère que vous êtes connectés du côté de Radio France 96 de FM. On est en direct. Lazara qui arrive et puis, l'invité, ça y est, il est là, il est prêt, hein. 3-4 minutres, ça y est. On fait durer le suspense. Ça va en arriver au bureau. Ouais, comme ça, vos collègues, vous avez pour leur dire. Il y a Camille à la radio. Montez le son. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras. Mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras, te libres. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendais pas que tu le sois. Mais tu grandiras. La force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états. N'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres avant toi. Rancel en direct ce matin, 8h30 avec tu t'en iras, pas tout de suite, partez pas, il arrive, bah oui il arrive, partez pas tout de suite la famille. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Ah oui, c'est Francky dans la radio, on est heureux de l'accueillir. The Voice Kids est là en direct, c'est Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Bah ça va nickel, nickel et vous? Ayant, t'as un gamin, t'as la patate mon ami, hein. Ouais. T'es venu avec papa ce matin, salut Momo, je voulais salut. Te dire. Salut. Ça avait un ami de longue date aussi. Oui, grave, depuis l'époque des boîtes de nuit. Gardels, ah ouais, des vraies boîtes, etc. On s'est connus. Camille, alors, pour démarrer, tu as quel âge déjà? J'ai 14 ans, je vais sur mes 15 ans le 7 novembre. Bah, félicitations. Merci, merci. Une carrière musicale qui démarre fort, on va dire. À quel âge tu as commencé la musique, Camille? J'ai commencé à mes 7 ans, j'ai commencé. Ouais. Et on continue toujours. Toujours, toujours. Ouais. 7 ans, donc ça fait presque 8 ans quand tu fais de la musique. C'est quoi, c'est de famille en famille? Je sais que ton père est dans la musique depuis qu'il est tout bébé. Depuis tout petit, on fait de la musique tout en famille. Tout en famille. Voilà. Et ça te plaît en tous les cas. Ouais. Comment est arrivée l'aventure Voice Kids? C'est quoi, t'as regardé ça? Tu t'es dit, bah, il faut que j'y aille avec papa ou alors? La première fois? Ouais, la première fois, comment ça s'est passé? On était ben en fait je crois même si j'avais fait une vidéo je crois. Ouais. On avait fait une vidéo, ouais, on a mis sur internet. Comme ça. Et ouais et The Voice nous avait contacté à l'époque. Ouais. On leur avait envoyé la vidéo mais on n'avait pas eu de réponse. Ouais. Et un jour on a eu une réponse. Moi je savais pas. On était au Flunch. Et on m'a annoncé que bah, je participais à l'émission The Voice. En fait, on lui a caché. Ouais, voilà, c'était une petite surprise. Pourquoi vous lui avez caché? Pourquoi? C'était une surprise. C'était une surprise parce qu'en fait, l'émission, il voulait que, qu'on garde le secret pour, ouais. pour faire une petite vidéo, pour l'annoncer et tout. Il y a 7 ans à peu près, c'est ça. Donc ouais. Comment t'étais dans quel état quand t'as 7-8 ans? J'étais quand même choqué parce que j'avais 8 ans quoi, 8 ans, 9 ans. Ouais. Et on m'annonce que je vais faire The Voice. J'avais envie de le dire à tous mes copains à l'école, mais je pouvais pas. Tu pouvais pas, il faut garder l'exclu, ouais, TF1 voulait pas. Ouais, ouais, c'est ça. Et alors donc The Voice Kids, ça y est, l'aventure est partie. Quelle belle aventure, t'as rencontré plein de monde. Ouais. Ça se passe comment avant de parler de toi justement dans les coulisses de TF1? Ils sont sympas les mecs, ça va? Franchement, l'accueil. C'est... Ils sont très sympas. Il y a du foie gras, tout ça, non? Il y a à manger? Ah oui. Il y a des gâteaux, il y a tout. Ah ouais? Du chocolat, cette fois-ci. Ah ouais? Ah oui. Bon, tu vas pas que pour les chocolats, heureusement, non, d'ailleurs. Non. Ouais. Toi, t'y allais pour, avec la rage au ventre, la rage de gagner. Pour gagner, voilà. Ouais. Exactement. Bon, malheureusement, samedi, t'as pas gagné, hein, mais c'est ça, la vie d'artiste aussi. Ouais, mais. Il y a des hauts, il y a des bas. Exactement, ce que j'allais dire, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce que toi, aujourd'hui, bah, justement, ça t'a donné encore l'envie d'avoir l'envie, comme disait Johnny? Malheureusement, il est parti, mais bon, est-ce que t'as toujours la rage au ventre là, toujours, à 14 ans? Il faut rien lâcher, c'est le moment pour rien lâcher en fait. Ouais. C'est une défaite qui va propulser le tout, on va dire. D'accord, donc une défaite qui va amener sûrement des victoires. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Il faut penser comme ça dans la tête. Faut pas une défaite, donc ça y est, c'est fini. Il faut rien lâcher en fait. T'as perdu la guerre, mais pas une bataille, c'est ça? Ou l'inverse. Voilà. c'est ça. C'est un peu ça. En tout cas, on sent la motivation. Le t-shirt déjà winner quand t'arrives là, ouais. Ça veut tout dire. Ouais. Kenji, ça s'est passé comment la rencontre avec? Est-ce que c'est l'exclusivité? Parce qu'il y a plein de jeunes qui rêvent de le rencontrer. Mmh. Et toi, là, carrément, il t'appelle, c'est son pote, tu restes avec lui. Kenji, c'était comment, Kenji? Il est vraiment gentil. Ouais. Il faut vraiment le connaître. Il est sympa. Hein, il t'a dit quoi? Il t'a parlé un petit peu en antenne? Ouais, il m'a parlé en tant que poteau, mais bon, je peux pas dire parce que c'est des choses confidentielles. Non, mais il n'y a pas de problème, ça, tu les gardes pour toi, mais il est sympatoche quand même. Ouais, non, franchement, il est très gentil. Il est vraiment gentil. Ouais. Il t'a sélectionné. C'est énorme quand même. Ouais, aux auditions à l'aveugle. Alors c'était pas que pour les baskets quand même. Non. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Je voulais juste le choisir. Après il m'a dit les baskets, donc je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai dit Kenji direct. Ouais, direct. Mais bon, j'avais déjà en tête Kenji à la base. Ouais. Je me voyais déjà avec Kenji. Tu te voyais déjà en haut de l'affiche avec Kenji. Ouais, tout le temps. T'imagines toi l'Olympia avec Camille avec Kenji, ça serait énorme. Ah bah oui. Peut-être un jour, hein. Je crois que j'espère. Ouais. On demande à Francky pour ça. Moi tu sais, nous on est une goutte d'eau dans l'océan, comme on dit Camille. Ouais. Alors comment s'est passée la relation avec tes partenaires là musicaux? Sur scène ça a été, il n'y avait pas trop de bagarres? Non, franchement non, c'est bon enfant. Hein, ouais, c'est ça, bon enfant. Ouais, cette émission en fait. Au final, il s'est fait beaucoup d'amis. Ouais, en fait, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est ça. En fait, j'étais plus des... Le côté compétition, on l'a mis un peu de côté. C'était plutôt la rencontre. Bon enfant, on va dire. Ouais. J'étais plus déçu en fait de partir et laisser mes amis là-bas que de quitter l'aventure en fait. C'est ça le truc. D'accord. Une belle aventure en tout cas qui a démarré avec Kenji. Comment tu vois la suite, toi? Franchement, j'ai un avenir dans les films. Ouais. Bah, j'espère en tout cas. Ah, t'aimerais, Oui, j'aimerais. J'ai déjà fait 2 films. Ah ouais, bien. Hein. Deux films. Un qui est déjà sorti. Ouais. Un à l'île Maurice. Quand je regrandirai, il s'appelle. Il sort bientôt, normalement en décembre. Mm-hmm. Mais on ne sait pas encore. On va y aller peut-être. L'autre est déjà sorti. Ouais, voilà. C'est Mon fils Malik. Mon fils Malik, voilà, est déjà sorti en 2021, je crois. Ouais. C'est ça? Ouais, 2021. Et bah dans la musique toujours. Toujours dans la musique. Musique. Alors là tu vas faire quoi? Tu vas essayer de progresser, tu vas essayer de changer des choses, de dire bah tiens, m'améliorer encore plus. Ouais. Est-ce que t'as vu tes erreurs? Est-ce que t'as vu les plans positifs, les points négatifs un petit peu? Vous avez fait le tour avec papa? Ouais. Bah oui, franchement oui, on a pu voir qu'est-ce qui allait pas et qu'est-ce qui allait, donc on a fait le point et Momo, vous avez analysé ça? Ouais, on a bien regardé un petit peu, même l'émission, c'est vrai que c'est passé super vite. Ouais. Et là vous la mettez en replay, vous dites ah là ça va pas, là ça va pas, là il y a ça. Ouais. Bah de toute façon on fait que de progresser, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein. On prend sur les erreurs et on les améliore. Et voilà. Et toujours avec le sourire et la bonne humeur. Ouais, c'est ce que t'as, la patate en tous les cas. Toujours. C'est ce qu'il faut. Quelle était ta force sur scène pour toi? Qu'est-ce qui est ta voix, ton jeu de jambes, ton... Non, franchement, moi je me suis dit, moi je veux réussir. Ouais. J'ai envie de les surprendre, voilà, j'ai envie de les surprendre. Donc, et je pense que c'est ça qui est important, la télé, c'est surprendre les gens. Coach, le coach. Ouais. Eux, ce qu'ils aiment, c'est être surpris par un truc lambda. Voilà, bon, voilà, ils connaissent ça tous les jours, je pense. Mais, ouais, là, mais il faut sortir du lot pour les choquer. Le petit plus. Et pour toi, ça serait quoi, le petit plus? C'est mes baskets. Ah, les baskets, bah voilà. On va rester sur les baskets. On va rester sur les baskets aujourd'hui. On va te retrouver dans 3 minutes. Juste avant de t'écouter ton titre, là, que tu m'as donné, on va s'écouter Soul King avec Girac. T'aimes bien, Kenji? Ok, ouais. Ça te dérange pas, ça? Non, t'aimes bien, toi? Bah voilà, on s'écoute. Et puis, on se retrouve tout de suite, mon ami, si tu veux. Voici Kenji, Soul King. Baby, quand je te vois bailer, la la la, baby, t'es ma drogue. Baby, quand je te vois bailer, la la la, yeah. Notre histoire, j'en fais un film, j'en fais une saga. On s'est connus un jour d'été à Malaga. Y'a encore ton odeur quand je défais mes bagages. Y'a encore nos deux cœurs suspendus dans les nuages. Je la taquine le matin quand elle se maquille. Elle aime la rumba, nous sort avec une taquille. Donne-moi ta main, qu'on danse toute la vie. Baby, baby, baila. Toute la nuit, toute la nuit. Tu es si belle, mi amor, baila. Je pourrais te regarder toute ma vie. Te regarder quand tu oh, baila. La lune et les étoiles aussi. Te regarder quand tu oh, baila. Viens là, oh, baila. Ay, papa mio, asema. C'est ce qui brille, même quand le ciel s'assombrit. Ay, papa, es mia siempre. Une fleur rare cachée dans ce petit village. Ay, que calor, que hay aquí. De Puerto Rico, je l'amène à Miami. Ay, mi amor, yo soy Kenji. Je te kidnappe, je t'amène à Gitani. Le matin, elle a fait son petit sac à dos. Pour que je l'amène en balade sur la moto. Je la rassure, bebecita. Morena pour le pire et le mejor. Baila. Oh là là là là là, Kenji avec Soul King. T'aimes bien aussi Soul King toi? Oui. Ça va mec. Je trouve que le duo il va bien ensemble, non? Les deux? Ouais, ça va bien. Franchement, ils font un bon duo. Ouais, sympatoche. En tout cas, on est heureux de te retrouver avant que tu partes en cours parce que t'as de l'école aujourd'hui dans encore 5 minutes. Ouais. On parlait de l'avenir, bien sûr. Est-ce que t'imagines un jour peut-être une scène, toi? Bah franchement, ouais. Ça te plairait, ça? Franchement, je kiffe la scène en plus. Ouais. Donc ouais, j'aimerais bien. Tu te sens à l'aise? Ouais, franchement, ouais, ça va. Alors là, t'as sélectionné Kenji, mais si tu devais faire un duo, ça serait avec qui après, Kenji. Par la suite, Kenji? Kenji. T'as pas une autre personne, non, qui traîne comme ça, Slimane ou non? Je sais pas, je dis ça comme ça. Moins. Soul King. Soul King, ouais, Soul King. Soul King? Ouais, Soul King. Une fille, y a pas de fille dans là-dedans, non? Fille, non. Ah, j'aime bien, Weshden, j'aime bien Weshden. Ah ouais, Weshden. Ah ouais, c'est un malin, celui-là. Non, Weshden, je sais pas, MNES. Luan aussi. Luan, ouais, un mélange de chant et rap aussi, ça pourrait faire un bon petit truc. Ça, tiens, justement. Ouais, justement, on se disait démarquer, pourquoi pas le rap et puis le truc tranquille, tu vois. Ouais, faire un petit truc, quoi, chant en rap. C'est ça qui serait démarquant. On va s'écouter un titre. Allez. C'est ton titre, c'est quoi? Alors c'est, bah en fait je vais vous expliquer après ce qui, on fait le son et je vous explique après. Et ben on écoute le son et on te retrouve juste après, Camille. Allez. À tout de suite. Pas savoir que je finirais à l'écran et non pas sur liste noire. Pour y arriver, j'ai travaillé, j'ai noirci mes cahiers, j'écrivais à la sueur de mon front. Si vous saviez, laissez-moi le temps, je vais vous montrer que je peux le faire et j'espère pouvoir un jour les faire taire. La journée, je suis en cours et j'écris le soir. Dites à mon prof d'histoire que je vais marquer l'histoire. J'fais des instrus sur ma table, j'ai des tubes dans mon cartable. On verra bien de quoi je suis pas capable. Aujourd'hui je suis l'ambiance. va trop tourner comme les jurys. Ouais, la foule est en furie. J'rate qu'un shoot comme Curry. J'suis désolé pour pas si tout répéter que j'abandonne. Moi, j'vis ma vie comme personne, comme personne. Bah, ça fait du bien, ça. Et le rythme, alors derrière, ça fait un peu soleil quand même, hein, non? Ouais, hein, un petit peu c'est soleil. L'été. Et c'est moi, l'été. Ouais, c'est l'été encore, bien sûr, mais dans la tête, c'est l'été, oui, bien sûr, ben, ça caille un peu, mais c'est l'été quand même. Ouais, voilà. Et ça me fait penser un petit peu à, je sais pas, à YTB, hein, tu sais, la section d'assaut, un petit peu dans l'esprit, non? En fait, je sais pas si vous connaissez l'artiste Tyke. Ouais, Tyke. C'est ouais. Dans ce style, en fait, ça fait. Ouais, Tyke, c'est un chanteur de zouk. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Bah, justement, j'ai un morceau, ouais, qu'on va s'écouter tout à l'heure, Tyke. Ah ouais, t'as vraiment des bonnes idées, toi. Comment, c'est dans l'univers de Tyke. Exactement. Comment tu vois la suite de ta carrière, toi, mon ami? Je sais pas comment t'as dire. T'as envie de progresser ça, quand même. Oui, voilà, en fait. Ah c'est, oui. J'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie de progresser et ne pas lâcher, quoi. Ne pas lâcher. C'est ouais. Ta devise aujourd'hui? Exactement. Ne rien lâcher. Commencer et ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense, papa, maman, tout ça? Bah. Justement, il y avait une petite anecdote là. Ah, bah, oui, on voit un truc. Ah. Oui, c'est pour ça que, en fait, on vous a fait écouter ce titre. Ouais. Parce que, en fait, j'ai eu un petit souci, on va dire, un petit souci. À l'école? Ouais, oui, c'est ça. Ah, la vache. Avec mon prof. C'est, en fait, c'est un peu pour cette raison aussi que j'ai reparticipé à The Voice Kids. Ouais. Parce que, en fait, mon prof, depuis mon premier passage, mais à l'ancienne. Il te suit. Et voilà, il me suit, mais genre, il me taquine de ouf. À chaque fois, il t'envoie des vannes. Ouais, voilà, en fait, il m'appelait le recalé de The Voice. Le recalé de The Voice. Ça t'a pas déçu, non? Non, bah, C'était ironique. Au début. C'était rigolo. Ouais, voilà. Mais je sais qu'il me taquinait, donc il y a rien de mal. Et donc, c'est pour cette raison, on va dire, que je l'ai refait. Ouais. Il a gardé le secret jusqu'à la fin. Et voilà, mon prof, il voulait absolument qu'on passe, enfin que je passe à la télé, parce qu'il voulait pas me croire que j'allais le refaire pour lui. Ouais, il s'est dit non, il va pas y aller. Oui, c'est ça. Et donc voilà, je l'ai refait et je les ai fait retourner. Bah, super. Et maintenant, il a que fait d'en parler à tous ses élèves, dont moi, qui se sont retournés rien pour lui. T'arrives à l'école, il va te demander un autographe, quoi, le prof, oui, c'est ça. Mais là, en plus, je suis dans son cours, quoi, à chaque fois, donc. Il voulait une dédicace de Karine Ferry. Ah ouais, carrément. Ah ouais, il demande des trucs de fou, lui. Comment il s'appelle ton prof? On peut balancer le nom. Bon, comme oui, ça, pour rigoler. Monsieur Berger, il s'appelle. Salut, Monsieur Berger, avec les moutons autour. Ça fait plaisir. Eh, comment ça se passe avec l'école, les potes, tout ça? Parce que j'ai une copine, la copine d'une amie qui est dans ta classe, apparemment. Ouais. Eline, je crois, ça. Oui, je la connais. Ça va. Elle taquine un peu, parce qu'elle est fan de Kenji. Elle t'a pas dit. Ouais, je sais, elle m'a dit. Elle t'a pas dit comment Kenji, il est comment, non? Non, c'était il y a longtemps. Elle est pas trop lourde? Non, ça va. Bon, ben, ça va. Ça se passe comment, justement, la relation à l'école avec les potes qui te voyaient à la télé, quand t'arrives en cours, t'es la star un peu, non? Bah, on va dire, ouais. Je reste leur ami. Bien sûr, heureusement. Ils rigolent un peu, bah, ils me taquinent un peu aussi parce que voilà, ils m'ont vu à la télé, ils y croient pas. Mais non, ça va, il n'y a pas de méchanceté, on va dire. Ouais, il y a une bonne relation. Ouais, c'est ça, ça fait plaisir. Et papa, alors, comment ils sont la suite? Papa, il l'encourage, bien sûr, parce que toi, t'es à fond dans la musique. Moi, ouais, l'essentiel, c'est qu'il s'amuse et puis qu'il passe sa jeunesse à faire ce qu'il aime. Ouais, c'est ça. C'est le principal, franchement. Bah, comme t'as des jeunes qui sont fans de bicross, qui sont fans de judo, de karaté, de foot, nous, et bah lui c'est la musique. Voilà. Faut l'encourager dans c'est sa passion. Sport. Même si on sait que la musique, des fois, bah, y a des côtés un peu compliqués, hein, on sait ce que c'est. Ah, l'arrière du décor, oui. L'arrière du décor, des fois, c'est un peu bouché, etc. Musicalement, faut essayer de s'en sortir, c'est pas facile. Faut rien lâcher, c'est ta devise. Il y a du monde aussi dans le milieu. C'est ça, quoi. Il faut se démarquer du lot. J'ai un pressentiment que de plus en plus, les familles disent, alors, bon, on va chanter un peu, toi aussi. Non? Oui, comme ça. Vas-y, va chanter ou deviens footballeur. En tout cas, Camille, je sais qu'ils vont en cours aujourd'hui. On va te laisser dans 2 minutes là. La suite, donc une scène peut-être de prévue dans la prochainement à Orléans. Ce serait bien, non, d'organiser ça. Oui, on va s'organiser avec ça. Majestic, avec toi. Ouais. Bah avec nous, voilà. Ouais, on va faire un truc là. Avec Francky. On va se préparer ça aux petits oignons, comme on dit, avec papa. Ça me fera plaisir de te recevoir où tu sais. Et comme ça, on aura plein de monde. Et puis, de toute façon, on va être obligé de refuser même. Ouais, ça, c'est bien. Parce que c'est comme ça qu'on démarre. Tu sais, local. Et puis, le local se développe. On va appeler la presse, on va appeler tout le monde, là, les journalistes. Il faut venir. Camille, merci. Et puis, il y aura un prochain Voice Kid. Là, je respire un peu, mais plus tard. Peut-être. The Voice Adult, peut-être. Ah ouais, bah ouais, pourquoi pas. Bon, après, trois fois, ça fait beaucoup, mais ouais. Jamais 200 francs, on dit. Hein. C'est vrai. C'est la vie. Exactement. Bon, je vais verser papa. Dernier mot de la fin avant de dire à Camille de dire au revoir. Papa. Le mot de la fin, si tu veux. Le mot de la fin, bah, merci de nous avoir accueillis. Ah, et puis, franchement, continuez. T'as vu, notre petite radio locale, mais sympatoche, hein, t'as super vu? Super sympa. Mais les gens à l'aise, tout. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas tout ça. On peut parler pendant deux heures si tu veux. C'est ça que c'est bon, comme on dit. C'est ça. Voilà. Franchement, à revenir. À revenir. Quand tu veux, tu viens là, t'as vu, hein, t'as les clés, t'as tout, t'as le badge. Hein. Moi, on a même le café. On a même le café. Je te prépare un chocolat la prochaine fois. Et la prochaine fois, oui, du chocolat. Désolé, tu sais, nous, il y a que des adultes qui viennent ici. Non, mais c'est pas grave. À part le café qui énerve tout le monde le matin. Je te laisse le mot de la fin. Merci d'être venu. Yes, bah merci beaucoup à vous. Ouais. Et franchement, on va revenir. On peut te suivre comment sur les réseaux sociaux? Vas-y, ouais, vous pouvez me suivre sur TikTok Camille-Majestic, Instagram Camille-Majestic, YouTube Camille Majestic. Facebook Camille Majestic. Et bah, voilà. Camille Majestic, et bah, allez-y, n'hésitez pas. Et on peut vous suivre où? Nous? Oui. Ah ben moi tu tapes Radio Arc-en-Ciel, voilà, c'est tout. Sur n'importe quel réseau, tu vas nous trouver, Orléans. Et Francky sur Francky sur Facebook, tu tapes Francky. Ouais, bah j'en ai, j'ai 300 000 amis, quoi. Je suis pas une star de la radio, mais j'ai beaucoup d'amis. C'est ça qui est bizarre. Non, mais c'est... En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et justement, tu parlais de tech. Yes. Bah ouais, bah nous on est bien. Écoute, on s'écoute. Le temps. Allez. Voici Tech sur Radio Arc-en-Ciel. Merci Camille, merci Momo. Merci à vous. Bye. Passez une belle journée sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Tech et on adore. Voilà, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi, tu m'as fait gaspiller mon temps. Tu ne m'as pas laissé parler. Aïe. Et maintenant, tu reviens. Et comme avant, tu espères retrouver celui qui t'a aimé. Celui avec qui jouer. Et maintenant c'est toi qui veux parler. Toutes tes meilleures phrases tu veux les coller. Ne gaspille pas mon temps, yeah. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Je n'ai pas fait ce qu'il faut. Moi je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, toi t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût. Le goût de ton poison. Et maintenant, moi ça va. Avec toi, j'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu me dois, non? Maintenant, toi tu veux enfin m'entendre. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Le temps m'a réparé. Ah ça on adore. Tech, d'ailleurs, il adore aussi Camille, en tout cas super gamin. Hey, The Voice Kid, il était là en studio ce matin. Il disait pas que bah oui il a des cours aujourd'hui, bah oui, il faut y aller quand même, hein. Même si c'est mercredi, bah oui, il y en a qui bossent quand même. Heureux d'être avec vous, c'est Funky dans la radio, vous êtes une très très bonne du Portugal, carré au Brésil. Você acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda. no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Chão, chão! Et ça, vous adorez, c'est au Brésil, Kevinho! Et le petit Camille, il est super, hein. On va retrouver le podcast, hein. Je vais vous l'envoyer, bien sûr. Super mec de Voice Kids 2, il était là en studio ce matin, après TF1, bah, il est venu chez nous, bah ouais, c'est comme ça, hein, le matin à la radio. Camille, et on l'adore, bientôt une grosse soirée à Orléans, on vous en parle, avec ce super gamin qu'on adore. Merci à Momo, son papa aussi d'être passé. Vous retrouvez Camille sur internet, n'hésitez pas à voir Camille Magic Stick. Maluma! Que es muy poderoso. No le gusta lo que es ser falso. Está muy dura para tener atrasos. Mi sello carga en el pasaporte. Tan chimba que ya no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte. Y la respetan todo y todo de sur al norte. Ay, mamá, shigidi, ah, nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mamá, shigidi, funky, fire, moto, liquidi. Oh, mamá, te tema. ¿Qué problema me va? Oh, mamá, te tema. Me mata la curiosidad. Oh, mamá, te tema. De ver lo que tengo ahí atrás. Oh, mamá, te tema. Yo quedo en electricidad. Oh, mamá, te tema. Tipa, tipa, te tema. Oh, mamá, te tema. Ay, atiende, te tema. Oh, mamá, te tema. Shuka, chini, te tema. Oh, mamá, te tema. Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, nipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukofa, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Akichoka kuchuma mboga, oh mama. Hey, why, que rica está. Segura de hoy, no va a pasar. Hey, si llegué a ser, hoy te la exploto. Ay, atiende, te tema. Oh, mamá, te tema. ¿Qué problema me va? Oh, mamá, te tema. Me mata la curiosidad. Oh, mamá, te tema. De ver lo que tiene ahí atrás. Oh, mamá, te tema. Hoy yo quedo electricidad. Oh, mamá, te tema. Tipa, tipa, te tema. Oh, mamá, te tema. Ay, atiende, te tema. Oh, mamá, te tema. Shuka, chile, te tema. Oh, mamá, te tema. Oh, mamá. Ay, mamá, shigidi, ah, nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, funky, fire, moto, liquidi. Ayatunde tetema. Oh, mama, tetema. Tipa, tipa, tetema. Oh, mama, tetema. Ayatunde tetema. Oh, mama, tetema. Shuka, chini, tetema. Oh, mama, tetema. Ayatunde tetema. Oh, mama, tetema. ¿Qué problema me va? Oh, mama, tetema. Me mata la curiosidad. Oh, mama, tetema. De ver lo que tengo ahí atrás. Oh, mama, tetema. Un choque de electricidad. El rayos del sol, Maluma, Maluma baby, comme on dit. Je vais vous laisser avec Victor. Bah ouais, il arrive, hein, le beau gosse de la radio. Juste avant, c'est du son caliente pour bien vous réveiller ce matin. Courage à vous, il est bientôt 9h, 8h57 minutes sur l'arc-en-ciel avec DJ Snake. Bye. be who they study, cause I'm always the subject. Professor, finesse. Teach you bitches how to keep your player under pressure. Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin. 99 problems and ain't none of them a man. Many men try, but many men fail. I gotta get the head before I let you get the tail. Bien de se réveiller avec ça. Pour vous qui vous levez là, bah ouais, ceux qui commencent à 10h, 9h. Bientôt, Victor qui arrive dans 3 minutes, le sang caliente, histoire de vous dire une belle journée sous le soleil aujourd'hui, hein, ouais, jusqu'à 20 degrés. Ça fait un petit peu froid ce matin, mais ça y est, le soleil va arriver. Prudence sur les routes, hein, ouais, sur le tendanciel. Et sur le week-end, il va être pourri de la pluie, malheureusement. Sébastien, et puis notre ami Victor, qui arrive dans 1 minute 30. Mi condición enamorado lo camité. Ça fait du bien, ça, du soleil comme ça le matin. Je vous laisse avec notre ami Victor, ça y est, qui est au café, tranquille. Ouais, il est là, ça y est. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il arrive jusqu'à midi, le son Forza do Portugal. Bonne journée, retour demain matin, 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Bonne matinée sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Um banco que lhe ofereça aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende contacto com conselheiro BCP para mais informações. Entreprise.